Sur l'eau bleue et profonde, nous allons voyageant, environnant le monde d'un sillage d'argent, des îles de la sonde, de l'anneau ciel brûlé, jusqu'au pôle gelé, jusqu'au pôle gelé. Nous pensons à la terre que nous fuyons toujours, à notre vieille mère, à nos jeunes amours. Mais la vague légère, avec son doux refrain, endort notre chagrin, endort notre chagrin. Existence sublime, bercée par notre nid, nous vivons sur l'abîme, au sein de l'infini, des flots rasant la cime, dans le grand désert bleu, nous marchons avec Dieu, nous marchons avec Dieu.